Sur ces photos, oh, ces photos pourries, bord des téléphones portables, retouchées je ne sais comment. Elle était belle, oui, ça, elle était belle. Oh, elle était belle, retouchée je ne sais comment. Oh, elle était belle. Je ne sais comment. Oh, mais en vrai, au nom de Dieu. Mais en vrai, au nom de Dieu. Mais en vrai, au nom d'Allah, je sais pas quoi. Au nom de Dieu, au nom de je sais pas quoi. Fille de l'ouest, fille de garce, fille de l'ouest, fille de garce, en vrai, qu'est-ce qu'elle était laide, oh, ouais, ouais, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'elle était laide. Qu'est-ce qu'elle était laide en vrai. Qu'est-ce qu'elle était laide en vrai. Qu'est-ce qu'elle était laide en vrai. Qu'est-ce qu'elle était laide en vrai. Qu'est-ce qu'elle était laide. Ouais, en vrai, en vrai, en vrai. Sans retouche. Sans retouche. Oh, elle ne faisait plus bander. Plus grandé, plus grandé. On ne faisait plus grandé. Sur ces photos retouchées, qu'est-ce que j'ai pu entre le vrai et la réalité, entre le fou et l'indiscret, entre le flou des pensées, entre ce qui est, ce qui est faux et tout le reste qu'on voit. Dans un hublot, oh, dans un petit rectangle, on voit ces choses, on se dit putain que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, mieux que la réalité. Après déçu, on y retourne dans le virtuel. C'est plus simple, c'est plus beau. Mm-hmm.